Chapitre 4. Les chèvres. Ce fut la faim qui réveilla Jérémie. Son estomac gargouillait à qui mieux mieux. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il jeta un coup d'œil à sa montre. Il avait réussi l'exploit de dormir 12 heures d'affilée. Il se sentait dispos, cependant il songea en se levant qu'il lui faudrait bien plus d'une nuit pleine et entière de sommeil pour récupérer de toute sa fatigue. En short, il se leva et s'aperçut que Moustache avait disparu. L'hostal était silencieuse. Il ouvrit sa fenêtre et reçut un choc qui lui coupa le souffle. Il aurait pu, en tendant la main, pratiquement toucher la montagne. Pleine de végétation, en pleine effervescence de renouveau, Jérémie pensa qu'il lui faudrait, dès qu'il irait à la ville la plus proche, acheter non seulement une bonne paire de chaussures de marche, mais aussi une paire de jumelles. Cette flore devait receler des trésors de vie et il avait hâte de les découvrir. Le soleil tiédissait l'air encore bien frais pour la saison. Il se hâta de prendre une douche et de s'habiller. Un petit mot sur la table de la cuisine lui indiqua que les hommes ne reviendraient que vers 13 heures pour se sustenter. Il pouvait soit les attendre, soit suivre le sentier qui courait jusqu'à une large clairière où les chèvres gambadaient en toute liberté. Il sortit sur le pas de la porte, fit une gratouille amicale au vieux chat noir et laissa son regard se repaître de toute cette beauté. Une paix intérieure s'immissa en lui, doucement mais profondément. Il avait l'impression d'être là où il le fallait. Un cri aigu déchira le ciel bleu et le tira de ses pensées. Il vit passer haut, si haut, un aigle, somptueux de grâce et de majesté. Libre comme l'air, lui au moins était heureux. Il préféra attendre les hommes, farfouillant dans les placards de l'antique cuisine. Il ne découvrit pas une seule assiette identique à une autre. Il sourit. À Paris, dès l'instant où l'on en cassait une, il fallait à tout prix et rapidement acheter un autre service bien complet. Ici, tout était plus simple, plus près de la réalité, et non pas du snobisme ou de l'achat compulsif, ni de la publicité incitatrice et tentatrice à l'extrême. Si l'on avait réellement besoin, on achetait. Sinon, on se contentait parfaitement bien de ce que l'on avait. Il mit la table et attendit, observant tout autour de lui. La lampe du plafond en verre ancien vaudrait certainement une petite fortune chez un brocanteur de la capitale, ainsi que l'ancienne horloge comtoise, qui égrenait les heures depuis au moins une bonne centaine d'années, sans jamais ni retarder ni avancer. La table, elle, ainsi que les chaises, dataient des années 70, en formica comme le buffet qui contenait les ustensiles de cuisine. La gazinière était de facture plus récente. Elle avait dû supplanter un bon fourneau à bois. Jérémie vit la patte de Fred dans ce changement. Il entendit bientôt les voix de ses hôtes. Surpris, les deux hommes regardaient la table mise. Vous ne croyez tout de même pas que je vais rester à me tourner les pouces? Je suis aussi capable de préparer de bons petits plats. C'est que, vois-tu, à midi, nous n'avons pas l'habitude de nous attabler longuement, nous mangeons sur le pouce et retournons à la laiterie fabriquer les fromages. Un peu de charcuterie du pays, du fromage, un petit verre de vin et c'est tout. Mais tu as bien fait, reprit Fred avec empressement, voyant la mine déconfite de son ami. Nous allons nous plier à d'autres exigences en attendant que tu prennes des habitudes. Ce faisant, il regarda son père qui, après une brève hésitation, acquiesça. Le repas fut simple mais si savoureux. Le jambon ainsi que le saucisson s'échangeaient entre producteurs locaux. Le fromage, bien entendu, était fabriqué par eux-mêmes. Jérémie pensa qu'il n'avait jamais rien mangé d'aussi bon. Après le repas, il se surprit à piquer du nez. Fred sourit. Va donc faire une petite sieste. Comme nous d'ailleurs, rien ne presse. Vers 16 heures, nous irons ensemble à la laiterie. Tu verras la traite et je te ferai visiter la cave où s'affinent nos fromages. C'est inouï, fit Jérémie. J'ai fait un tour de cadran et j'ai encore envie de dormir. L'air de la montagne est vivifiant, jeune homme. Le soir, vous ne tarderez pas non plus. Nous nous couchons pratiquement tous les soirs vers 22 heures et nous sommes levés à l'aurore. Bien entendu, pour vous, ce sera différent. Vous avez besoin de beaucoup de repos, mais d'ici quelques semaines, vous prendrez le rythme. Ménagez-vous et sortez. Faites de belles balades, mais en aucun cas ne vous avisez d'aller en montagne tout seul. Demandez à Fred, il vous y accompagnera volontiers. La montagne est dangereuse. Le temps peut changer radicalement en 2 heures. Il fait un soleil radieux, puis un nuage arrive, un autre, et en un rien de temps, il y a du brouillard, il pleut, fait très froid, il peut aussi neiger. Si vous deviez vous retrouver dans une situation comme celle que je viens de vous décrire, je ne donne pas cher de votre peau. Fred regardait son vieux père bouche bée. Il n'avait pas encore entendu l'ancêtre, comme il l'appelait familièrement, débiter plus de quelques mots d'affilée, et là, il donnait un cours à son ami. Non, qu'il eût tort, bien entendu, c'était qu'il l'appréciait, et il en conçut une certaine satisfaction. Jérémy pourrait plus facilement guérir ses blessures, entouré par de vrais et chaleureux amis. Moustache rentra accompagné de Follette et alla directement se frotter contre les jambes de son maître. Ce dernier lui donna un sachet de viande qu'il avait emporté. Serait-il possible de se ravitailler au village? J'aurais besoin de nourriture pour le chat. Ben, il mangera comme les autres, fit Anthelme. Jérémy en douta. C'est qu'il n'était pas habitué, le matou. Bah, il ferait sans doute comme lui, mais il s'adapterait, voilà tout. Les deux hommes se mirent à la vaisselle et en un rien de temps tout fut lavé, essuyé et remis en place. Ils entraînèrent ensuite Jérémy derrière l'oustal, où étaient installés 3 transats en bois de fabrication maison, recouverts de moelleux coussins. C'est ici que vous faites la sieste? Quoi de mieux? Fit le vieil homme. C'est vrai, au moins on respire. Tiens, fit Fred, lui tendant un plaid. Nous avons l'habitude, mais pour toi, le fond de l'air est encore trop frais, mieux vaut te couvrir. Il s'installa et fut agréablement surpris par le confort des chaises longues. Moustache lui sauta sur les genoux, tourna, piétina, et enfin se coucha et s'endormit aussitôt. Jérémy ferma les paupières en l'enviant. Une main sur son épaule le fit sortir de son rêve en sursautant. Je ne savais pas si je devais te laisser dormir encore, mais l'ancêtre a suggéré de te réveiller, sous peine que tu passes une nuit blanche. Désolé, tu es prêt? Je te suis, répondit Jérémy, mettant moustache à terre. Le petit félin protesta vigoureusement, ce qui fit rire les deux amis. Le père Anthelme était déjà au labeur. Il avait ouvert l'enclos des chèvres qui passaient une par une et venaient se placer dans un petit box. En 2 temps, 3 mouvements, Anthelme les trayait et elles repartaient aussitôt gambader dans la prairie. Il faisait ce travail depuis qu'il avait 6 ans, depuis qu'il avait été assez solide sur ses petites jambes. Fred se mit lui aussi à l'ouvrage. Je pourrais peut-être vous aider? Certainement, répondit Anthelme tout en lançant un coup d'œil malicieux à son fils. Prenez donc un siège et un seau, mais avant, regardez, observez. Oh, ça n'a pas l'air bien compliqué, répondit Jérémy un peu trop sûr de lui. La première chèvre se sauva. La seconde rua dès qu'il la toucha, et la troisième envoya valdinguer le seau. Perplexe et vexé, Jérémy ne savait comment se sortir de cette situation sans perdre la face. Un immense éclat de rire retentit alors. Les deux hommes se gaussaient allègrement. Faites pas cette tête-là, dit le vieux. Cela paraît simple de prime abord, c'est vrai, mais il faut tout de même un peu de pratique. De plus, les bêtes ne vous connaissent pas. Avec un peu de persévérance, vous y arriverez. Tout le monde en passe par là, croyez-moi. Il fallait environ 3 bonnes heures aux deux hommes pour la traite des 100 chèvres, et cela à chaque jour. Jérémy, étonné par tout ce labeur, demanda à son ami sur le chemin du retour. Ce n'est pas la même chose que pour les vaches? Une machine ne vous aiderait pas? Non, c'est sûr, fit Fred. Mais d'une part, l'ancêtre est plus têtu qu'une mule face au progrès, et de plus, elle coûterait beaucoup trop cher pour notre si petite production. Ce ne serait pas rentable. J'ai aussi investi pratiquement toutes mes économies dans la restauration de l'hostal et de la laiterie. Je ne peux me permettre d'autres dépenses. Je comprends. Il resta silencieux un bref instant avant de reprendre. Et si moi j'investissais, je choisirais mes dividendes? Ce serait pas ridicule. Que pourrais-tu réellement en tirer, hein? Disons, deux délicieux fromages par jour jusqu'à ma mort? C'est bien ce que je pensais. Le carambolage. Tu as dû recevoir un sacré coup sur la caboche. Ils se donnèrent quelques bonnes bourrades et allongèrent le pas pour rattraper Anthelme. Si vous croyez que je suis sourd, dit ce dernier en bougonnant. Le reste du ragoût de la veille était encore plus savoureux réchauffé. Effectivement, après 21h30, dans la paisible oustal, seuls Moustache et Follette étaient encore éveillés. Les 3 jours suivants, Jérémie persévéra dans la traite, mais rien n'y fit. Anthelme le rassura. Les chèvres sont habituées à nous, elles ne veulent aucun autre intervenant, ce n'est pas pour autant qu'il faut que tu te fasses du mouron. Tu t'y prends bien, seulement. Oui, j'ai compris. Ces demoiselles n'apprécient que leur propriétaire. Enfin, j'aurais essayé. Je ferai les repas si vous le voulez, je ne vais tout de même pas me tourner les pouces tous les jours. Pour l'instant, reprends des forces mentales et physiques. Pourquoi ne fais-tu pas quelques belles balades? Tout autour, il y a quelques jolis chemins de randonnée assez faciles. Ensuite, je t'accompagnerai un peu plus haut. Et si demain je t'emmenais à la pêche? Volontiers, mais je n'y connais rien. Oh, rien de plus facile, surtout après tous tes efforts avec les chèvres.